C'est Biggie de l'Ouest. Il est gorou d'oui. Yeah. Il est gorou d'oui. Imbécile. Les kilos de C sont remontés. Le filon lave sont remontés. Même les cadets sont remontés. Toutes les bretelles sont remontées. Ah, remontada. Ce soir c'est la remontada. Ce soir ton équipe est démontée. Je ne comprends pas, j'ai les menottes. Là le réseau est démantelé. Y'a les favos sur le rinté. Chaud, chaud, chaud. Je vois que les voisins bâtards se sont mêlés. Chaud, chaud, chaud. C'est le bénéf aujourd'hui qu'ils ont scellé. Pour le vélo, on peut mettre des douilles. On risque nos vies pour le vélo. On veut tous la médaille. Aujourd'hui le pauvre à midi. Les Yanglis viennent à midi. Aujourd'hui le pauvre à midi. Les Yanglis viennent à midi. Ramène la masse, y'a de la dope en masse. On fait pas de manière crânière, sera le massacre. Les kilos de C sont remontés. Le filon la paix sont remontés. Même les patins sont remontés. Toutes les bretelles sont remontées. Ah, la remontada. Ce soir c'est la remontada. Les kilos de C sont remontés. Le filon la paix sont remontés. Même les patins sont remontés. Toutes les bretelles sont remontées. Ah, la remontada. Les feux que veulent m'attaquer. Passe mon jambe virgule sans m'arrêter. Attaquer, centre à gauche. Attaquer, centre à droite. Attaquer, centre à gauche. Attaquer, centre à droite. On est démené, mais ça va changer. Ce soir c'est moi le leader. On est démené, mais ça va changer. Mon équipe elle est trop déterminée.